des biographies? Est-ce que ça vous arrive des fois? Au cours des prochaines minutes, on va discuter de l'art de mettre en scène certaines biographies de vedettes québécoises. Et pour ce faire, je rejoins à l'instant Didier Morissonneau, qui est producteur et directeur artistique des cabarets biodégradables. Bonjour. Bonjour, Julie. On parle d'autobiographie et non pas de biographie. Et c'est vraiment ça. Ah, ben, j'avoue que je me suis posé la question en me préparant. Parce que moi, j'ai pas encore eu la chance. Je sais que ça existe depuis 2008, là, mais j'ai pas encore eu la chance de voir ça. On a hâte de te voir dans 2 semaines. Ben, j'espère être là. Pour vrai, là. J'aimerais vraiment beaucoup ça. C'est dit sur les ondes. Maintenant, tout le monde le sait. J'espère être là. Mais n'empêche que, c'est ça, moi, je cherchais puis je voyais des fois biographie, autobiographie. Puis je me disais, mais il me semble que c'est pas la même chose. C'est que l'intérêt est intéressant. Ça n'a même rien à voir, en fait. Ben oui, c'est ça. Mais c'est quoi les cabarets biodégradables, là? Qu'est-ce que c'est? Ben, nous, on lit. C'est un spectacle d'humour qui est extrêmement drôle. Où on lit des autobiographies de vedettes québécoises. Donc, des livres écrits au jeu par des artistes. Et puis, c'est tout. Et puis, on choisit des extraits, on lit sans changer un seul mot ou une virgule. Et c'est très, très drôle. Parce que c'est insignifiant, des fois. Mmh. Des fois, c'est drôle parce que c'est très prétentieux. Des fois, c'est drôle parce que c'est narcissique. Des fois, c'est drôle parce que c'est juste tellement pas intéressant que c'est drôle. Des fois, c'est drôle parce que c'est absurde. Ça nous amène dans un monde ésotérique complètement déjanté. Là, je parle de sa l'autobiographie de Anne Tourneau, à un moment donné, qui fait son voyage astral. Ouais. On faisait Martin Stevens aussi qui décrit son trip d'acide et pendant 10 minutes. Donc nous on faisait, c'est Rémi Pierre Paquin qui faisait ce texte-là. On faisait voyager dans le trip d'acide de Martin Stevens, qui, pour le rappeler à vos plus jeunes auditeurs, qui a repris une chanson australienne en 1978. Et qui a fait un hit avec ça. Et c'est à peu près tout. En fait, si je résume sa carrière, ça se résume en 30 secondes. Et il a quand même écrit l'histoire de sa vie. Alors, bon, pour vous mettre en perspective, la plupart des artistes québécois qui écrivent leur vie font des livres qui ont autour de 300 pages. C'est des fois 250, des fois 400. Des fois, c'est des grosses briques comme la Bible, là, comme Daniel Ouimet, par exemple, qui fait presque 600 pages. Wow! Mais en général, c'est des livres autour de 300 pages. Alors, pour vous donner une idée de grandeur, Winston Churchill a écrit ses mémoires et ça fait 600 pages. Alors, si on fait une règle de 3 là, par rapport à l'importance de la vie de... On se demande, mais comment Marie-Chantal Toupin peut arriver à 280 pages? Ouais. À moins qu'on brode un peu, qu'on rajoute des choses, voire même qu'on en invente peut-être, mais même sans aller jusque-là, il y a des longueurs. Et nous, on s'intéresse à ces longueurs-là. Par exemple, Marie-Chantal, vu que je l'ai nommée, nous explique qu'elle s'est découverte du brocoli à l'âge de 16 ans. Donc elle avait pas, elle connaissait pas ce légume-là avant, à l'âge de 16 ans. Ouais. C'est comme une révélation un peu pour elle. Donc, depuis ce temps-là, elle achète toujours du brocoli, puis elle s'assure qu'il y en a toujours dans son réfrigérateur. Et à part comme ça, tu sais, sur son rapport au brocoli, pendant une page et demie à peu près. Et pour nous, ça, c'est du très bon matériel. Tu vois, on touche à l'absolu. Là. Tu sais, on est dans les. Et puis la réaction, c'est toujours la même chose. C'est toujours les gens dans la salle, ils se disent, ben voyons donc, mais comment est-ce possible? Tu sais? Alors, il y a beaucoup de comment est-ce possible. C'est comment est-ce possible que quelqu'un ait écrit ça? Comment est-ce possible que quelqu'un pense que ça peut intéresser qui que ce soit, y compris même les fans de Marie-Chantal Toupin? Et ensuite, comment est-ce possible qu'un éditeur, ayant lu le manuscrit, décide de dire, oui, j'aime ça, le bout sur le brocoli. On va garder ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Oh, ça, c'est parce que... Mais je lisais aussi dans ma préparation pour notre entretien, Didier, que tu as lu plus de 500 biographies, autobiographies, pour choisir celles qui vont faire partie du spectacle. 500? Ah ben facilement, écoute, j'ai une bibliothèque dans ma maison de campagne, là. J'ai une bibliothèque qui c'est que ça. Ça n'a pas de bon sens. Et pour donner un ratio, il faut de lire 10 livres pour en avoir un bon. Un bon entre guillemets, là, c'est-à-dire bon étant mauvais, pour que ce soit drôle, pour qu'on fasse le show avec. La plupart des autobiographies de vedettes sont c'est pas du matériel pour nous. C'est ou bien c'est intéressant pour vrai. Moi, si je lis l'autobiographie de Dominique Michel, par exemple, que j'ai lu, c'est qu'il y a une grosse brique aussi. C'est intéressant pour vrai, là. Je veux dire, c'est 50 ans de showbiz, là. C'est très pertinent. J'ai la tulipe aussi. Bon. Après, des fois, c'est pas drôle parce que c'est vraiment pathétique. Je sais pas, moi, le viol, les pilules, l'hôpital psychiatrique, la tentative de suicide. Puis là, tu dis qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. On peut pas aller là. Alors, puis des fois, c'est juste comme entre les deux. Pour que ça se fasse le show, il faut qu'il y ait des ingrédients dont je parlais au début, là. C'est-à-dire, faut que je sache que ça peut provoquer le rire. Et au fil des années, parce que ça fait près de 15 ans qu'on fait ça, j'ai remplacé des textes par d'autres qui étaient meilleurs. Okay. Et là, on arrive à... Je te dirais, comme dit Julio Iglesias quand il parle de ses albums, nous arrivons à un niveau de perfection absolue. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été gaspillés pour produire toutes ces biographies et autobiographies-là. Et vous avez décidé de remettre une partie des profits de chaque soirée à la Fondation Arbre Canada. Je trouve ça tellement drôle. Oui, qui s'occupe de reboiser le Canada. Parce qu'on s'est dit, à un moment donné, mon Dieu, peux-tu imaginer, tu sais, quand même, il y a des forêts entières là, qui ont été rasées pour publier ces livres-là. Et on a commencé dès le premier jour. C'était un flash qu'on avait eu. Là. Et j'ai jamais arrêté, tu sais. Puis à un moment donné, il y a le président de l'organisme, tu sais, il voyait toujours des chèques qui arrivaient de nous autres. Puis là, par personne interposée, tu sais, il demande à me rencontrer, mais il savait pas du tout. Il a fallu que j'explique la joke, tu sais. Il comprenait pas pourquoi on envoyait des chèques toutes les semaines, tous les mois, puis c'était quoi, là? Fait pourquoi on les aimait tant que ça, tu sais, en fait, là? Fait que là, j'ai dit, oui, mais c'est parce que c'est pas nous, d'ailleurs, qui devons payer ça, hein. Mais bon, comme on fait, on vendait des billets, on faisait pas même d'argent, mais tu sais, le peu qu'on faisait, de toute façon, c'est tout du monde qui font ça pour le fun, là. Des acteurs qui ont des carrières et un producteur qui a une carrière aussi en dehors de ça. Et on avait du fun, puis on a commencé à supporter les arbres, voilà, comme un retour pour rendre le carbone, les cabarets carboneutres, ben à la mode. Vous serez au Théâtre du Petit Champlain les 15 et 16 décembre. Deux soirs. Qui on peut s'attendre à voir lire des textes sur scène? Écoute, tu me prends presque au dépourvu, mais de mémoire, je sais que Anaïs Favron est là. Je sais que Sylvain Larocque est là, et d'ailleurs, il est là depuis le début. OK. Je sais que Pierre-Luc Briand est là, et qui va d'ailleurs sûrement inviter l'ensemble du Parti québécois, c'est-à-dire les trois gars. T'inquiète, à Québec. Ben oui. Je sais que... Qui c'est qui a parlé de ça? Il y a un comédien de Québec qui s'appelle David Marchand. On a Kim Lavaque-Paquin, Charles-Alexandre Quesnel, Rémi Montesinos, un gars de Québec, comme moi d'ailleurs, à l'origine. Et 8 ou 9 comédiens, c'est ça, qui s'échangent, qui vont et qui viennent. Il y en a qui sont avec nous depuis le début. Pierre-Luc Briand, Sylvain Larocque, là, c'est là de ça fait presque 15 ans. Là. Puis wow. On a été là du... Puis d'ailleurs, Sylvain lit le même texte depuis 15 ans, qui est Julie Lemay, qui est la première gagnante de Love Story. Ben oui. Et donc, j'avais pris le casting de Sylvain, parce que Sylvain qui a l'air de l'escouade spécialisée un peu chez les Avengers, là, dans les ceux qui tuent du monde. Et Julie, c'est une petite blonde aux yeux bleus, qui est toute douce et inoffensive. Et je trouvais que le casting était bon. D'ailleurs, quand Sylvain arrive juste, quand il dit « Bonsoir, je suis Julie Lemay », c'est déjà drôle, tu sais, avant même qu'il commence à rire. On a gardé cette joke-là toutes ces années. Ça marche parce que c'est un texte incontournable. On en a deux comme ça qui ont jamais été enlevés, c'est Julie Lemay et Maurice Madoc-Vachon, le lutteur. Un texte absolument plein de poésie et totalement irremplaçable. Vous comprendrez pourquoi quand vous viendrez le voir. Ben oui, c'est les Ben oui, c'est les 15 et 16 décembre au Théâtre du Petit Champlain. On peut se procurer des billets, bien évidemment, sur le site du Théâtre du Petit Champlain. Sinon, on peut consulter votre site aussi, qui est cabaretbiodégradable.com, pour avoir plus d'informations, oui, puis voir toutes les belles choses que vous faites. On a même une recette de sauce à spaghetti de Julie la Lofteuse, justement. Absolument, qui était la recette qui était performée dans le loft. Oh, wow! Ouais. On l'a en intégrale. On la distribue d'ailleurs à tous les... je te niaise pas. Oh, là, on distribue la recette à tous les spectateurs à chaque soir. En tout cas, ça risque d'être pas mal de fun. Juste d'en parler ce soir, ça me fait beaucoup rire. C'est que j'imagine même pas le Écoute, spectacle. Je trouve ça encore drôle. Ça fait 500 fois que je le vois. On est tous là, les comédiens, sur le bord du rideau, sur le côté, à se tenir le ventre, à rire. Parce qu'on rit encore, tu sais. Puis on a des nouveaux textes. On a Robbie Johnson, on a Eliane Gamache-Latourelle, Michel Giroir, qui est un bijou de livre extraordinaire que j'ai trouvé presque dans les poubelles, là, tu sais, dans un fin fond du sol, là. Puis, tu sais, on a c'est des pépites d'or, là, extraordinaires. Michel, dont le livre s'appelle Je vis mon homosexualité. Puis on annonce déjà la couleur. Et qui fait un grand réquisitoire contre la bisexualité dans son livre et qu'on le lit intégralement parce que c'est pertinent et ça prévient les jeunes en général des dangers de la bisexualité. Oh là là. Alors bon, si je vous invite à être attentif. Ben oui, évidemment. Merci beaucoup, Didier Morissonneau. Je rappelle que tu es producteur et directeur artistique du cabaret biodégradable qui sera présent à Québec au Théâtre du Petit Champlain les 15 et 16 décembre. Excellent. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.